Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Aujourd'hui, France Culture propose une journée spéciale en raison d'un mouvement social. Et à LSD, on a eu envie de vous faire entendre un documentaire de circonstances diffusé en mai 2008. Mai 68, l'ORTF à contre-temps, par Emmanuel Laurentin, Amélie Meffre et réalisé par Renaud Dalmar. Au départ de ce documentaire, il y a une série réalisée à la Fabrique de l'Histoire pour revenir sur les 50 ans de mai 68 et dont l'un des épisodes était consacré à la grève de l'ORTF. Une grève qui a duré 2 mois et qui est encore à l'heure actuelle la grève la plus longue de l'audiovisuel public. Alors c'est dans ce contexte de conflit social à Radio France, en réaction à un plan stratégique de la direction qui prévoit 299 départs volontaires, un projet de réorganisation, le tout sur fond de baisse de la dotation accordée par l'État, de réforme de l'audiovisuel public, de mise en place d'une holding, que certains comparent d'ailleurs à la défunte ORTF, et de remise en cause de la redevance qui finance l'audiovisuel public. C'est donc dans ce contexte que France Culture a imaginé cette journée spéciale et que nous, à LSD, on a eu envie de vous faire remonter le temps pour vous donner du grain à moudre et des munitions pour les en famille ou entre amis, où l'on débat parfois de l'utilité d'un audiovisuel public indépendant ou pas. Alors pour commencer, les personnages. Des journalistes, réalisateurs et techniciens de l'ORTF, un président de la Sofirad, un rédacteur en chef à RTL, un ministre de l'Information, un producteur de France Inter, un directeur de France Inter, une technicienne syndicaliste, un présentateur, un journaliste scientifique et 2 reporters pour France Inter et RTL. Ensuite le décor, la maison de la radio, le quai André Citroën, le grand hall, l'île aux cygnes, les studios, les cabinets des ministères, l'Élysée, des transistors, les Champs-Élysées et des mises à pied. Aujourd'hui, en raison d'un mouvement social, on plonge dans les archives. Sur RTL, un flash spécial, Jacques Chaput appelle de l'Élysée. Ici l'Élysée. À 11h24, en effet, j'avais vu sortir la grille du coq de l'Élysée 2 voitures. Dans la première, le service de sécurité. Dans la deuxième, assis à l'arrière, le général de Gaulle et Madame de Gaulle. Nous avons hésité à lancer la nouvelle. Où allait le général de Gaulle? Qu'allait-il faire? Allait-il voir son médecin? Allait-il voir sa famille? Allait-il déjeuner chez son fils? Et puis maintenant, il y a une seconde, une nouvelle officielle nous apprend que le général de Gaulle est simplement parti pour 24 heures à Colombey se reposer et qu'il sera demain de retour à l'Élysée à 15 heures. Radio 68. Aujourd'hui, ORTF, la grève à contre-temps. Il y a une phrase de Prévert dans un de ses poèmes qui dit « Alors on ne salue plus, dit l'oiseau, non, on ne salue plus, dit le général, quand les troupes défilent crosse en l'air. » Il y a eu un phénomène de rupture de croyance. On n'y croyait plus à l'autorité, on ne marchait plus et tout s'effondrait. Plus personne n'obéissait, mais plus personne ne commandait. Le problème était qu'il y avait une minorité très active et puis il y avait une majorité qui ne disait rien, qui ne bougeait pas, qui était silencieuse, d'abord parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'exprimer. Pierre Lefranc. Donc on a essayé, on a réfléchi, on s'est dit mais il faut absolument que cette majorité silencieuse s'exprime. Et le lundi qui a précédé le 30 mai, nous nous sommes réunis à Matignon et nous avons décidé de lancer un appel pour l'organisation d'une grande manifestation de cette majorité silencieuse. C'était un gros risque que nous prenions parce que nous nous sommes dit « mais si jamais nous ne sommes que 2000 ou 3000 sur les Champs-Élysées, ça va être ridicule ». Mais comme on n'avait pas trouvé d'autre idée géniale pour manifester justement l'opinion de la majorité des Parisiens, on s'est quand même lancé. Et là, le téléphone, Dieu merci, n'était pas en grève, il était automatique. Donc par conséquent, par le réseau téléphonique, par l'aide que nous a apporté le groupe gaulliste du Conseil de Paris, on a pu joindre beaucoup de monde. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettrait de la maintenir. 30 mai 1968. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. j'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Et quand il est rentré, il a décidé de s'adresser aux Parisiens. Mais au départ, il avait l'intention de s'adresser au même moment qu'avait lieu la manifestation. Alors il a fallu que nous fassions pression sur lui pour lui expliquer ce qui était préparé et lui demander de parler avant la manifestation. Comme ça, ça encouragerait les gens à y participer et puis ils ne resteraient pas chez eux pour l'écouter à la radio. Il a bien voulu avancer son allocution d'une bonne heure, et ce qui fait que les gens ont pu entendre l'allocution avant de se rendre sur les Champs-Élysées. Il donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université. C'est quand même le chef-d'œuvre de Gaulle. Jean-Pierre Farkas, directeur de l'information à RTL. De Gaulle est probablement l'homme politique, avec Mendès par la suite, qui a compris qu'à certains moments, la radio était une arme de conviction et de pouvoir beaucoup plus efficace que la télévision. Je ne dis pas que c'est la réhabilitation de la radio, qui n'est pas un moyen culturel aussi impressionnant que les livres ou que la télévision. La radio a joué un rôle considérable et les hommes politiques les plus avertis l'ont tout à fait compris, à commencer par le général. On entend bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer en même temps qu'on l'empêche de vivre. Par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Tout le monde a dit, le général de Gaulle a voulu revenir à l'appel du 18 juin et à la radio qui avait joué un si grand rôle pendant la période de la guerre. Mais non, c'est parce qu'effectivement, l'émission n'était pas prévue, que naturellement une émission du chef de l'État en télévision partant de l'Élysée nécessitait une mise en place assez compliquée. Donc le temps manquait, mais en plus, il a changé l'heure de l'émission, et par conséquent, à ce moment-là, il n'y avait que la possibilité de la radio. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira. Et nous avons eu une magnifique surprise en arrivant à la place de la Concorde, ce flot humain dont tout le monde se souvient maintenant, qui a remonté les Champs-Élysées jusqu'à l'étoile. Vive la République, vive la France! Le départ à Baden-Baden le 29 mai, puis le retour du général le 30, ont effacé les hésitations des semaines précédentes et le désastreux discours du 24. L'allocution radiodiffusée du président de la République, renonçant au référendum et annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, jette une foule de gaullistes sur les Champs-Élysées. Dans le 16e arrondissement tout proche, les rares amateurs de tennis qui peuplent les tribunes de Roland-Garros ont l'oreille collée au transistor. Mais malgré ce retournement de conjoncture, les réflexes d'un mois d'émeute sont encore là. Patrick Pénaud. Le 3 ou 4 juin, je suis chargé de couvrir une manifestation de jeunes gaullistes qui descend du Trocadéro qui doit se disloquer sur le Champ de Mars. Et je fais une première intervention dans le journal de RTL vers 19h. Nous passons devant l'école militaire au-dessus de laquelle flotte le drapeau rouge. Pur lapsus, mais le présentateur du journal ne réagit pas. Bon, et je m'en rends pas compte. Donc on poursuit, il me rappelle à la fin du journal, donc vers 19h30. Et là, je dis, je viens de la manifestation vient de se disloquer, et sur le Champ de Mars, Joséphine Baker vient de chanter l'International. Nouveau lapsus, je vous le jure, et pas de réaction. Seulement, je raccroche le combiné de la voiture de la radio et immédiatement ça sonne en disant « le patron veut te voir ». Et je n'ai jamais réussi à le convaincre, et je vous jure encore une fois que c'était vrai, je n'ai jamais réussi à le convaincre que c'était des lapsus et que pendant un mois, je venais de parler de drapeau rouge et d'international et que ça m'avait échappé. Le 27 mai, les négociations de Grenelle se sont achevées, quelques signes de reprise ne vont pas tarder à apparaître dans les entreprises, excepté dans la métallurgie, l'aviation ou l'automobile, comme chez Renault, où le secrétaire général de la CGT, Georges Segui, a été fraîchement accueilli par les grévistes. À l'ORTF, la grève continue elle aussi de plus belle. La confusion est à son comble. Des membres du conseil d'administration ont démissionné depuis quelques jours. On ne sait plus vraiment qui dirige la maison. Les journalistes de France Inter décident, le 3 juin, de ne plus assurer l'antenne, contrairement à ce qui se passait les semaines précédentes. Yves Guéna passe, lui, du ministère des PTT à celui de l'information et tente de reprendre les choses en main. Quand vous arrivez le 31 mai, Yves Guéna, au ministère de l'Information, donc vous arrivez dans un moment très trouble, hein, puisque l'ORTF est en grève depuis 15 jours déjà. Vous aviez pour mission de remettre les choses en marche, une main assez ferme? On m'a pas dit ma mission, mais c'est évident. J'étais ministre de l'Information, il fallait que les grèves cessent partout, il fallait que l'information reparte. Et je dois dire qu'elle n'est pas repartie. Je m'étais tapé un mois de grève au PTT. J'allais encore me taper presque un mois de grève à la radio et télévision, puisqu'ils ont poursuivi la grève. Alors, j'ai essayé de faire face comme j'ai pu. J'ai eu la main un peu lourde, non pas avec les journalistes, contrairement à ce qu'on dit, je dirai un mot tout à l'heure, mais avec les dirigeants. Puisque j'ai viré le directeur de la télévision, j'ai viré le directeur de la radio, et quelques jours plus tard, j'ai viré le directeur général de l'ORTF. Vous considérez qu'il n'avait pas fait face, et puis de toute façon, il y a des cas où il faut fusiller des gens, comme vous savez. Surtout fusillés comme ça, ils se portent très bien, je peux vous assurer. Je trouve qu'ils avaient un peu baissé les bras, enfin, je ne veux pas les citer, parce que ce serait en rajouter. On les connaît, c'est Pierre de Boisdeffre qui était directeur de la radio, Émile Basiani qui était directeur de la télé, et Édouard Sablier qui était sous-directeur de l'actualité télévisée. Oui, Édouard Sablier, en fait, j'avais envisagé de l'écarter, mais l'Élysée m'a dit non, ne le faites pas. En effet. Et puis le directeur général de l'ORTF aussi, mais quelques jours plus tard. Donc c'est Jean-Bernard Dupont qui est remplacé par Jean-Jacques de Bresson. Exactement, oui. Marcel Bluval, vous rencontrez le ministre de l'Information plusieurs fois. Alors d'abord. Deux fois. La première fois, Grenelle, on a été convoqué. Dans le sous-sol rue de Varennes de ce qu'on appelait le ministère de l'Information à ce moment-là, et c'était la salle de projection. Alors on était là, on a vu arriver un gars noir, habillé sombre, le cheveu de corbeau, l'air pas gentil du tout, il n'y connaissait rien. Il nous a parlé des avantages que le pouvoir voulait bien nous concéder, c'était Grenelle, quoi, sans rien de plus. Sur la télé, des vagues discussions possibles, mais vraiment très dur, tout ça. Et en disant, vous prenez votre décision en Assemblée Générale, dans vos Assemblées Générales, et puis rendez-vous demain. Deuxième réunion le lendemain, tout le monde lui dit merde. Ça dit non. Alors, ça s'est mis à discuter un petit peu, et puis il se pencha à l'oreille de son chef de cabinet ou de son, je ne sais pas qui, en disant « Qui c'est celui-là qui cause ?» parce qu'il ne connaissait personne. Et il laisse entrevoir une sortie de crise extrêmement rapide. Vous décidez dans la demi-heure et vous rentrez. Et ça a été encore une fois non, quoi. Oh, ça s'est très mal passé, je vous dis tout de suite. Parce que j'aurais dit que tout le monde avait terminé la grève et que donc ils devaient reprendre. Alors ils sont mis à râler, à protester, etc. Je lui ai dit, je constate que donc je ferai marcher la radio, la télévision sans vous. En même temps, Yves Guéna, leur revendication principale, c'était une plus grande autonomie vis-à-vis du gouvernement. Ça, c'était quelque chose que vous ne pouviez pas entendre à ce moment-là? Non, mais c'était pas l'heure, c'était pas le moment. Tout le monde avait cessé la grève, sauf eux. Donc je les ai envoyés bouler. Ensemble, selon lui, on n'était pas dans notre rôle, quoi. Sauf qu'on lui faisait remarquer qu'on n'était pas dans notre rôle, mais nous étions aussi dans une situation qui n'était pas non plus ordinaire non plus. Et qu'en situation exceptionnelle aussi, revendication exceptionnelle. En gros, ça résumait à ça. Pierre Noguera, vous étiez technicien en 68 dans la maison de la radio où nous sommes là aujourd'hui, et vous faisiez partie de l'intersyndicale qui s'était mis en place à ce moment-là. Qui faisait partie de cette intersyndicale? Côté syndical, j'étais à ce moment-là secrétaire général adjoint du CNRT-CGT, Syndicat National de Radio-Télévision, représenté trois voix. Le SUT, qui était le syndicat le plus important de la maison, avait droit à quatre voix. C'est précis, ça. Le SUT, c'est le syndicat unifié des techniciens. Hein. Ensuite, tous les autres, indifféremment, je dirais, les journalistes, les producteurs, les réalisateurs, avaient droit, quel que soit leur nombre intersyndical, je veux dire, à une voix, quand il fallait voter, je veux dire, c'était ça, finalement, qui faisait la différence. Je sais pas, il pouvait y avoir 10 auteurs, je veux dire, dans la limite qui était là, mais en fait, ils avaient droit à une voix. Les musiciens pouvaient être 5-6 à parler, mais ils avaient droit à une voix. Et est-ce qu'il y avait une revendication un peu commune? Parce que c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, parce que entre les gens de la télé, les gens de la radio, entre un journaliste, un technicien, quelqu'un qui est dans les bureaux. Oui, ça peut surprendre. D'ailleurs, à l'époque, ça a surpris, puisque la presse disait qu'il n'y avait pas de revendication, contrairement aux syndicats classiques, des revendications matérielles, je disais. Tout portait finalement sur le changement de statut, je dirais, de l'ORTF de l'époque. Et à l'époque, on parlait de liberté d'expression, liberté de car on refusait finalement de mentir. C'était la première fois que ça arrivait. Je voudrais vous quand même vous rappeler que 90% des journaux écrits étaient contre le gouvernement. Que le général de Gaulle, si vous lisiez l'Aurore, enfin, Le Monde, c'était un déchaînement contre le général de Gaulle. Alors, fallait quand même bien lui laisser une lucarne pour s'exprimer. Il y a une question là. Non. Ouais, vas-y. Tous les jours, l'intersyndicale a décidé de vous informer par la voix d'une bande magnétique que vous pourrez entendre dans les provinces et dans les studios de la maison de l'ORTF où siègent en permanence des assemblées des différentes catégories de personnel. Autour du micro, Pierre Noguera, Pierre Simonetti et Raoul Sangla, secrétaire administratif de l'intersyndicale. La journée a débuté comme prévu par la conférence de presse que l'intersyndicale tenait à 11h. Mais les choses ont changé. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de la radio, Pierre Noguera vous rapporte sur ce propos. Oui, une conférence de presse était prévue ce matin à la maison de l'ORTF. À l'heure prévue, les journalistes sont heurtés à un dispositif mis en place par Dupont et qui les a refoulés. L'intersyndicale s'est réunie immédiatement et a décidé 1. De maintenir la conférence de presse au café du Rond-Point à côté de la maison de l'ORTF. 2. D'envoyer un communiqué à la presse pour protester contre une atteinte à la liberté d'information. Et j'avais mis Jacqueline Baudrier à la radio. Yves Guéna. Et vous aviez nommé Roland Dordain? Oui, je me rappelle, parce que d'abord c'est un très bon professionnel, personne ne peut le contester. Ensuite, parce qu'il n'était pas de ceux qui étaient grévistes, j'allais tout de même pas. Je ne pouvais pas nommer des grévistes, ils ne voulaient pas travailler. Le ministre de l'Information veut vous voir, c'était Guéna. On va connaître des moments difficiles, il faut qu'il y ait un vrai professionnel à Inter. Et je suis revenu à Inter. Roland Dordain, directeur de la radiodiffusion. Il faut reprendre cette radio, on en a besoin. Ben je dis oui, on en a besoin. La grève m'emmerdait parce que moi, mon combat, il n'était pas celui des grévistes. C'est vrai, j'avais deux combats. Il y avait un combat pour la République et il y avait un combat pour Radio France, qui allait être dépassé par Europe numéro 1. J'avais deux préoccupations. Mais en même temps, dites-vous, plaider pour la République aussi, c'est-à-dire plaider pour le gouvernement. Oui. Il faut le dire quand même. Ah, mais faut, bien sûr. Mais oui, moi, c'était très difficile pour moi, parce que j'étais à la fois un homme du pouvoir, comme Jacqueline Baudrier, on était des vrais gaullistes, mais on était aussi les gens de la radio. Ils m'ont jamais engueulé, ils m'ont jamais tapé dessus. Ils respectaient l'homme que j'étais. Et puis, à un moment, j'avais envie de faire mon bain de foule, moi aussi. Bon. J'ai dit au directeur général qu'il avait une pétoche. Et je lui ai dit, monsieur, je vais aller parler aux gens. Bon. Le directeur général m'a dit, je vous interdis. Je m'en fous. Et ça se passait, vous voyez le bistrot. Je suis allé, bon. Donc j'ai dit à la voiture P, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi faire. Simplement, ils veulent me voir. Je ne veux pas de bagarre autour de la maison de la radio. S'il y a une bagarre autour de la maison de la radio, c'est foutu. C'est foutu pour le service public. Oui. Vous vouliez pas que les gendarmes ou les policiers rentrent à l'intérieur de la maison de la radio? Oui, bien sûr. Et j'avais même dit en passant, si vous le mettez dans les emprises de la maison de la radio, les flics vous emmerderont pas. Je leur avais donné des recettes quand même. Et à partir de ce moment-là, ça s'est fait comme ça. Et à partir de ce moment-là, tous les matins, je les attendais, ils venaient me voir, on parlait. Mais Roland Lorvin, c'était un mec qui avait fait sa carrière avec eux et qui était devenu le patron. Pierre Simonetti, Raoul Sangla, Édouard Guibert, au micro de Radio Intersyndicale. Comme hier soir, nous prenons contact avec vous pour faire le point des décisions et de la situation à l'ORTF. Violette Franck, dernier aspect du travail de l'intersyndicale aujourd'hui et qui concerne l'ensemble du personnel. L'intersyndicale a désigné une commission représentant toutes les organisations syndicales. Cette commission est chargée de regrouper toutes les idées qui doivent nous parvenir de tous les comités de grève au sujet d'un futur statut des personnels. Nous demandons donc à tous les comités de grève, à la base, de discuter de tout ce qui n'allait pas dans le statut du personnel précédent, ce qu'ils souhaiteraient voir dans un futur statut de personnel, soit comme loi, soit comme salaire, et qu'ils fassent parvenir par leurs délégués des comités de grève à l'intersyndicale dans les plus brefs délais. Nous collationnerons toutes ces demandes et nous essaierons de faire en sorte que le futur statut du personnel soit vraiment l'image de ce que nous espérons. J'ai été choisi par mes copains pour les représenter à l'intersyndicale. Michel Polak, producteur à l'ORTF. Quand les producteurs de radio et télé ont nommé leurs délégués, ils ne voulaient pas de nous dans l'intersyndicale. Il a fallu qu'on s'agite beaucoup pour qu'ils nous concèdent une voix. Mais il y avait surtout les représentants de l'administration, des techniciens surtout. Nous étions réunis jour et presque nuit, sans arrêt, dans un studio à la maison de la radio, et tout passait par nous. Les administratifs étaient assez réticents, ne s'engageaient pas beaucoup. Les techniciens, oui, étaient très actifs, mais il y avait deux syndicats majoritaires qui étaient l'un, la CGT, qui prenait ses ordres tous les jours au Parti communiste, qui leur avait dit surtout, faut étouffer cette affaire, arrêter ça le plus vite possible. Donc la déléguée CGT, qui était une passionnariat, qui s'appelait Franck, elle arrivait le matin nous disant, j'ai vu ma concierge ce matin, elle est furieuse contre les étudiants, le lendemain c'était sa boulangère, faut arrêter tout ça, ça souvent. Et c'était pénible. Et puis il y avait l'autre syndicat qui était le syndicat Maison, qui, lui, était tout à fait corporatiste, qui, évidemment, freinait, était d'une prudence. Il y avait un garçon très intelligent, très subtil, qui s'appelait Simonetti, qui était très futé. Et un jour, je me souviens de lui avoir dit, on est trop prudent, parce que moi, j'ai proposé de lancer l'état d'opération. Puis un jour, il me dit, mais tu sais très bien, ils ont qu'à faire entrer leur tank, et c'est fini, tout est fini en 2 heures. Et alors, pour démoraliser nos assemblées, il était doué. les 3000 personnes qui étaient réunies là, personne ne parlait de faire la révolution. On parlait de faire des réformes, et c'est même très étonnant. Il y avait des gaullistes parmi nous. Je me souviens d'un garçon, c'était un gaulliste orthodoxe, mais il pensait que De Gaulle allait comprendre et allait faire ces réformes qu'on réclamait. Bon, il y avait des naïfs, bien sûr. Alors justement, ces assemblées, ça ressemblait à quoi? Est-ce que vous faisiez des allers-retours entre ce qui se passait à l'intérieur de la grève, donc la Maison de la Radio, et puis ce qui se passait dans Paris, c'est-à-dire à la Sorbonne, à l'Odéon? Est-ce que vous alliez voir? Je vais vous dire, je suis exaspéré par les commémorations de mai 68, parce que le mai 68 que j'ai connu, c'est le mai 68 des salariés en grève. J'ai jamais eu le temps d'aller mettre le pied à la Sorbonne ou à l'Odéon. On était occupés sans arrêt, il fallait toujours être là parce qu'il y avait des messages qui nous parvenaient, des demandes. Et je suis allé une fois prendre un verre dans un café à Saint-Germain-des-Prés, à regarder passer les gens, et puis il fallait que je rentre. Mais alors, les assemblées générales, alors là, oui, il se passait quelque chose. Là, il y avait un phénomène extraordinaire, sans que ça devienne une espèce de grande chienlit dont parle De Gaulle. On parlait très librement, très courageusement, et il y a des tas d'idées qui se lançaient. Quel type de prise de parole c'était justement dans... Il y en a une que j'ai citée dans mon article dans Esprit, qui avait fait un malheur. C'était un petit gars comme ça, pas tout jeune, qui dit « Je suis coupeur de dépêches ». Je me rappelle de ça parce que je sais pas trop au juste ce que c'était qu'un coupeur de dépêches. Et je gagne tant par mois, une somme dérisoire, et c'est pas pour ça que je fais grève. C'est pas pour une augmentation de salaire. Notre grève, c'est autre chose. Et il y a eu une ovation. C'était, mais... les gens s'embrassaient. Presque en larmes, tellement c'était ce qu'on ressentait tous. On voulait un changement de statut de l'ORTF, on voulait des réformes, une libéralisation. On faisait pas du tout grève pour le salaire. Bon, je parle pas pour moi, j'étais producteur, j'étais dans les privilégiés. Mais ce couvert de dépêches, c'était très net, ils étaient, et tout le monde l'a approuvé. Les syndicats ont été très, très, très, très attaqués. Plus fort! Raoul Sangla, réalisateur télé à l'ORTF. On parlait de gauchistes à l'époque, hein, plus ou moins entre guillemets. Ils étaient très très peu à être encartés dans les partis d'extrême gauche. Mais tout à coup, ils sont devenus ivres d'utopie, ce que je comprends. Hein. Et se sont dit que c'était l'occasion jamais de changer, d'être... Mais il est évident que les syndicats réfléchissaient différemment... Il savait par pratique aussi qu'il ne fallait pas rêver, surtout quand en juin, les grandes citadelles Renault, etc., sont rentrées à nouveau au travail et tout, qu'on s'est retrouvés au début de la deuxième quinzaine de juin, un peu lâchés, un peu seuls. Il fallait freiner un peu ces excès. Alors c'était extrêmement mal vu et les assemblées, dont du 104, du 105 et ailleurs, étaient effervescentes et tout représentant de l'intersyndical s'y faisait huer de belle façon. Ah oui, oui. Ah ouais, oui, oui. Ah oui, absolument. J'avais en charge j'avais les gauchistes sur les bras. Marcel Bluval. C'est-à-dire que les hors-statuts qui avaient une réunion tous les jours aussi. L'entrée était libre, là. Et c'était où? C'était au 104. Vous connaissez le 104. Le 104, c'est 1000 places quand même. Et j'étais en charge de ça. Comme je suis supposé avoir une grande gueule, enfin, à l'époque, je l'avais, je présidais un truc qui a été totalement investi par les gauchistes de tous bords. Parce que c'était bien entendu ouvert au SFA, le syndicat français des acteurs, et à travers le SFA, pratiquement à tous ceux qui voulaient bien venir, en disant « je suis du SFA, on ne contrôlait pas les cartes hein. ». Et il s'est su très très vite que, bon, le 104, on pouvait parler. Alors, donc on a vu arriver tout le métier, et le métier, lui, il avait une forte tendance à pencher à l'extrême gauche. Et je me souviens de discussions, mais qui duraient des heures, mais très articulées politiquement, sur le marxisme-léninisme, mais tout ça dans un romantisme échevelé, gauchiste, incroyable, où on prônait le circuit court du poulet entre les agriculteurs et les étudiants. Enfin, c'était la Sorbonne, quoi, moi, pratiquement. Et moi, j'avais ça à tenir en charge tous les jours. Je vous raconte que c'était pas rien. Hein. Je me souviens d'un jour où il y a un gars qui s'est levé en disant « Je voudrais la parole ». Je pense la parole camarade, puisqu'on disait camarade. Et il m'a dit, « Je n'ai qu'une chose à dire, il faut tuer le sujet. » C'était un structuraliste. Alors, quand je lui ai dit « Tu es hors sujet, camarade, tu te rassieds. » C'était la fête et les gens étaient enfin on va respirer. Moi j'avais 29 ans, j'avais deux jeunes enfants, 3 ans, 1 an et demi, j'étais pas impliquée politiquement, j'étais un peu frondeuse, un peu révoltée, mais... Nicole Dalmar, technicienne radio à l'ORTF. Enfin, moi j'ai le sentiment que les syndicats ne percevaient pas l'enthousiasme. Et alors c'est vrai qu'il y avait aussi dans ces assemblées générales du 102 quelques agitateurs. Mais ça n'a pas marché à l'ORTF, ça. Il n'était pas très entendu. Je dirais que c'était quand même, malgré tout, moi ça me paraissait une grève un peu révolutionnaire, mais c'était une grève raisonnable. Je me souviens que à l'arrière de ma deux chevaux, j'avais mis l'affiche ORTF dans les barbelés, là, et je traversais Paris comme ça. Bon, c'est un peu inconscient. J'avais l'impression de faire, bon, quand j'allais voir ce qui se passait à la Sorbonne, enfin bon, bref, c'était un peu la fête, quoi, c'est vrai. Et c'était, on a le droit, enfin... Moi, j'ai cette vision, c'est une vision de femme, hein, c'est donc... J'ai vécu ça comme une seconde naissance, déjà politiquement, parce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus, à m'investir beaucoup plus, et aussi sur le plan personnel. Je rappelle que quand même, la contraception était balbutiante à cette époque-là, hein, sinon inexistante. Hein. Bon, il y a eu quand même un certain nombre de choses. Et ça jouait effectivement même sur le plan professionnel, parce que effectivement... rien n'était fait pour que les femmes qui avaient des enfants puissent continuer à travailler. Hein. Il y avait très, très, très peu de crèches, très peu de... Puis de toute façon, avec les horaires que nous avions, impossible de mettre des enfants dans une crèche. Donc c'était les femmes qui osaient avoir des enfants et continuer à travailler, surtout dans des métiers. Pourtant, on était dans une société qui était tolérante. Hein. L'ORTF, bon, c'était quand même... l'esprit était tolérant quand même. Mais les petits chefs haillons nous disaient il faut que les filles comprennent qu'ici, elles font un métier d'homme. Hein. Bon. Une de mes vieilles amies, qui elle travaillait, était dans les métiers du son aussi, mais en province, me racontait que quand elle sortait avec de la radio avec les camarades techniciens qui allaient boire un verre au café d'en face, et qu'elle les accompagnait, elle a été convoquée par son directeur qui lui a dit « Attention, les femmes ne vont pas au café. Hein. » D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu une conférence de presse de l'intersyndicale qui avait eu lieu dans un café qui est au coin, là, en face de la porte B. Le public ne pouvait plus rentrer à la maison de la radio, donc on avait fait cette conférence de presse en face. Et je m'étais précipité sur le magnéto pour... au moins avoir l'occasion de me servir d'un matériel réservé aux hommes jusque-là. Je ne pouvais pas aller travailler en extérieur. Les extérieurs étaient interdits aux femmes. ORTF, ensemble du réseau. 3 juin. Depuis 19h15, l'intersyndicale des journalistes a décidé de se mettre en grève. Cette décision a été prise à la suite de l'entrevue qui a eu lieu cet après-midi entre M. Yves Guéna, ministre de l'Information, et l'intersyndicale. Nous ne pourrons donc assurer ce soir qu'un bulletin abrégé, ne comportant que l'essentiel des nouvelles. Nous nous en excusons auprès de nos auditeurs. On a dit, Édouard Guibert l'a dit lui-même, que ça avait été une erreur considérable que de se mettre en grève. Parce que, de cesser de faire les journaux, en grève nous l'étions déjà, nous étions en grève travaillante. Jacques Gara, présentateur à France Inter. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous étions dépossédés de nous-mêmes, de ce qui était en fin de compte notre principale et même seule arme, c'est-à-dire cette tenue de l'antenne, qui d'ailleurs rencontrait des échos assez souvent favorables chez nos auditeurs. Bien entendu, il y a eu des gens qui hurlaient que c'est crypto-communiste, crypto-communisme en œil, enfin, c'était pas ça du tout le truc. Mais il y avait pas mal... Vous appelez pas Radio Pékin? Oui, on nous a appelé Radio Pékin, bien sûr, oui. C'était collectiviste, notre entreprise. On nous appelait Radio Pékin, vous avez raison. C'était pas tenable dans la durée. C'était bien, c'était déjà même incroyable que ça ait duré aussi longtemps. J'ai un peu filmé et photographié toutes les choses auxquelles je participais déjà en tant que... Claude Ventura. En tant que réalisateur engagé dans cette histoire. Vous les avez, vos photos, on va peut-être les feuilleter avec vous. Alors, ça, c'est dimanche 9 juin 68, vous avez les planches contact, donc on voit bien. Une photo où on voit cette fille qui une fille avec un joli pullover qui brandit Action sur le fond de la maison de la radio, sur toutes les fenêtres, quoi. Puis c'était un peu le paquebot, quoi, quand même, là-bas. Il y a eu toute une série de manifestations, les manifestations qui s'appelaient Opération Jéricho, donc où les gens du spectacle et de l'ORTF tournaient jour après jour autour de la maison de la radio. Et donc, moi je sais, j'ai une photo de, par exemple, parmi celles que j'avais faites, il y a Léon Citrone avec un type qui, sous prétexte de lui taper sur l'épaule, lui a collé un sticker, et Citrone ne s'aperçoit de rien. C'était Roger Louis, qui était un grand reporter à l'époque, à 5 colonnes à la une. Il avait fait des reporters, Michel Pollack, des reportages dans le monde entier. Et c'est lui qui a eu l'idée de lancer cette opération Jéricho, parce qu'il fallait faire tomber les murailles de l'ORTF pour l'ouvrir. Et donc on a organisé ça, et il y a des personnalités qui venaient de tous bords faire le tour de la maison de la radio à une heure fixe, je me rappelle plus laquelle, et ils faisaient le tour de la maison de la radio, on les acclamait, il y avait même des académiciens français, je me souviens de Pierre-Emmanuel. De Jean Rostand. Et puis il y avait des artistes, il y avait Gréco, il y avait Piccoli, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'était, ça peut paraître ridicule avec le recul, mais c'était émouvant, c'était beau. Alors on voit par exemple une de ces photos, c'est effectivement des gens qui sont aux fenêtres de la maison de la radio, qui regardent la manifestation. Vous, d'ailleurs, vous montrez vous-même dans la maison de la radio pour photographier, parce qu'en fait, on les voit, là, ils ont... l'information est bâillonnée, par exemple, ils ont déployé une petite affichette sous une des fenêtres de la maison de la radio. C'est drôle d'ailleurs, c'est trois femmes déjà d'un certain âge, mais elle, c'était une vieille scribe de la télé que j'ai reconnue parce que j'ai regardé un peu là. Mais il y a eu beaucoup des gens du bureau et tout ça, là, moi qui en vois, puis il y a des réalisateurs, là on voit Raoul Sangla. Là c'est les acteurs, par exemple, je vois, il y a Claude Brasseur, avec qui j'avais tourné quand j'étais assistant. Chabrol avec Stéphane Audran. Là, on est par exemple, une autre opération, c'est le lundi 10 juin. Donc, on est très avancé dans le mois de juin, alors que déjà depuis le 30 mai, le discours du général de Gaulle a fait petit à petit reprendre le travail à certains. Là, on continue la grève et on voit qu'il y a une foule énorme autour de la maison de la radio. Absolument. Alors là, une autre date un peu plus tardive, on est le 21 juin, donc 68, la CGT réunit du monde à la Bourse du Travail, donc à côté de République, dans ce magnifique bâtiment 19e siècle de la Bourse du Travail. Et là, on voit donc tous les orateurs prendre la parole devant une foule qui est quand même encore assez nombreuse, c'est-à-dire que la grève de l'ORTF ne se délite pas encore le 21 juin. On est quand même trois semaines après le discours du général, il y a encore quelque chose qui se passe. Oui. C'était la CGT qui avait réuni tout le monde à la Bourse du Travail, mais plusieurs jours après, que la reprise du travail Marcel Bluval ait été donc décidée par les confédérations qui avaient discuté à Grenelle. Et il a fallu décider les CGTistes à reprendre le travail. Ça n'a pas été simple. Il y a eu un vote, ça s'est engueulé, c'est très très sérieusement. Et puis là, encore une fois, le clivage gauchiste CGTiste de stricte obédience s'est passé. Et puis ça n'a pas été marrant. Hein. Mais finalement, la reprise du travail a été décidée à la majorité. Vous sentiez cette ambiance un peu lourde et un peu déliquescente? Ah oui, oui, oui, si. Claude Ventura. Et pourquoi? Parce que c'était une fête qui s'arrêtait ou Oui, bah, c'est ça. Enfin, moi, pour moi, c'était ça, quoi. C'était un peu une fête qui s'arrêtait. Et pour les... Je sais pas si j'avais... Oui, j'aurais aimé que ça continue, quoi. Mais bon, c'est pas... Sur le plan politique, c'était pas très cohérent, ma position, hein. Je dois dire. Parce comme que... toujours, d'ailleurs. Et c'était... Je comprenais pas pourquoi tous ces gens s'engueulaient entre eux alors que tout le monde était à gauche. J'ai continué longtemps avant de comprendre. Krasucki est venu donc voir, pas moi, je faisais autre chose, mais est venu voir des camarades dans des syndicats. Raoul Sanglin. En disant que, effectivement, s'il y avait une situation, oui, mais elle était loin d'être révolutionnaire dans notre pays. On sait que l'essence est revenue, les loisirs aussi, et qu'on s'est dirigé à partir de là vers cette société de consommation qui nous ravit tant aujourd'hui, tous azimuts. Et donc, on était vraiment un peu largués. J'étais en désaccord avec mon syndicat, qui était partagé. Je me souviens très bien d'une bourse du travail où on était entre nous, et la CGT, seulement la CGT. Pierre Noguera. Tous les gens, et, sauf moi, je suis intervenu, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec nous. Et j'ai eu derrière moi tous les gens artistiques qui m'ont applaudi, un truc comme ça, mais pas les autres. Et je disais que pour la première fois en France, des occasions pour avoir des revendications essentielles comme on les voulait, jamais on n'aurait pu une deuxième occasion comme ça. Et qu'il fallait tenir. Non. On a eu des revendications, ce qu'ils voulaient, des revendications matérielles, ça, les salaires ont été augmentés, il y a eu sur lesquels d'ailleurs, encore, bon, les gens d'aujourd'hui vivent encore là-dessus, les primes de fin d'année, etc., elles ont été conquises à ce moment-là, hein. Et comme des choses importantes, on a eu, en reprenant le travail comme ça, finalement, pour moi, on trahissait quelque peu l'objectif du départ unitaire que nous avait, où on avait été ensemble, je veux dire. Bon. Juin 1968. France Inter, voici Intermatin. Au micro, Jacqueline Baudrier. Jean Lacour. Michel Marteau. Jean-Jacques Brisac. Et Jacques Debray. Ce soir à minuit, clôture des inscriptions pour le second tour des législatives. La journée d'aujourd'hui sera donc celle des désistements. Large union, pas d'exclusif, c'est la consigne de M. Pompidou pour le second tour. Ce soir à 20h30, reprise de la campagne électorale à l'ORTF. À Paris, la direction et les syndicats de SEV Marshall convoquent le personnel de l'usine Guinmer pour aujourd'hui, de 14h à 18h, pour un vote sur la reprise du travail. À l'ORTF, l'intersyndicale a publié hier soir un communiqué annonçant la suspension de la grève générale à partir d'aujourd'hui 9h pour le personnel statutaire. L'action de l'intersyndicale sera précisée dès aujourd'hui par une consultation individuelle. Toutefois, journalistes TV et radio restent en grève, ainsi que les réalisateurs, les producteurs, les auteurs et les acteurs de télévision et de radio. Du fait de la suspension de la grève, un programme normal est diffusé dès aujourd'hui sur France Inter et Inter Variété. France Musique fonctionne aussi, relayée par France Culture, en attendant que cette dernière chaîne puisse reprendre le cours normal de ses émissions. Une décision gouvernementale a prononcé, le 12 juin, la dissolution d'un certain nombre de groupements d'extrême gauche, dont certains ont refusé de s'incliner. Les réalisateurs, les producteurs, les journalistes, bien sûr, ont maintenu la grève et nous, les réalisateurs, nous avons décidé de reprendre le 1er juillet. Les journalistes n'ont repris à la télévision que le 13 juillet, étant entendu que ceux du journal Parlé de France Inter avaient repris le 27 au lendemain, les élections avaient repris leur travail. Quand le 27 juin, les journalistes de France Inter décident de reprendre le travail, hein, on les invite à rentrer chez eux. Je m'en étais entretenu avec Pompidou, avant. Yves Guénat. J'ai dit, qu'est-ce qu'on en fait, ces types-là? Elle m'a dit, il faut les virer. Alors il m'a dit, oh, vous pourrez garder Léon Zitrone pour les chevaux, a-t-il dit. Oui, on n'était pas du tout contents, hein, de gens qui avaient fait, qui s'étaient dressés contre la légalité républicaine. Tout s'en allait. Notre pays, scandalisé par l'anarchie universitaire. 29 juin 1968. Paralysé par la grève généralisée, désemparé par l'incertitude d'un Parlement sans majorité, pouvait penser que la République disparaissait avec la liberté. Le 30 mai, sentant qu'enfin s'éveillait l'instinct national, j'en ai appelé au peuple. Il m'a répondu dans ses profondeurs. Du coup, fut rompu le charme maléfique qui nous entraînait vers l'abîme. Tandis que se déployaient les manifestations de l'espérance retrouvée, puis que se déclenchait leur tour au travail, enfin que la nation s'exprimait au premier tour des élections, tout a été réparé. Voilà la page qui vient d'être inscrite au livre tourmenté de notre histoire. C'était sauvage. C'est en Conseil des ministres que, pour fait de grève, on a licencié tous ces journalistes. Le Monde, 14 août 1968. Pour répondre aux questions qui nous sont posées sur tel ou tel journaliste de l'ORTF victime de sanctions, nous donnons ci-dessous les noms des personnes qui ont été soit licenciées, soit mutées, soit encore mises en congé spécial ou à la retraite anticipée. À l'actualité parlée, sont licenciés Michel-Pierre Texier, chef des informations générales. Marc Alvarez, reporter. Jean-Claude Dacier, interdernière. Pierre Janin, reporter. Alain Barraud, reporter. Philippe de Clinchamp, chroniqueur religieux. Jean Inchric, spécialiste aéronautique. Roland Mel, rédacteur en chef adjoint. Jacques Garat, grand reporter. Sont mutés en province, monsieur Jean-Pierre Cabage, grand reporter. De toute façon, c'était les élections de la peur. C'est ça le fond du problème. C'est que j'avais pas compris qu'il voulait l'attention, il voulait la peur, il voulait qu'au contraire que le problème ne soit pas résolu à la télévision. C'était la télévision, c'était la vitrine de la France en révolte. Et il fallait que les gens voient bien qu'il y avait cette menace qui se traduisait par ce journal minimum qu'on faisait parfois du pilier de la Tour Eiffel. Donc voyez, l'attention, attention. Et moi j'avais rien compris. Moi, je pensais que c'était des gens raisonnables et qui seraient vraiment contents d'avoir des interlocuteurs raisonnables. Je t'en fiche. Ils voulaient donner l'impression que leurs, entre guillemets, interlocuteurs potentiels étaient des chiens enragés et qu'il fallait voter dans l'autre sens. Et quand j'ai ramené mes troupes à Cognac-Jay, c'était pour signer nos bulletins de licenciement. Emmanuel Delataille. Le côté venait de gagner des élections, Chambre Bleue, Horizon, massivement réactionnaire, nous étions piégés. Voilà, le piège s'est refermé, on a dit, bon ben voilà, c'était prévisible, ai-je dit à François de Clauset. Je me disais, bon, ben, De Gaulle m'a viré en disant à la taille, ne combat pas la politique de la France. Comme je connais tous les ennemis du gaullisme, je serais bien accueilli à l'étranger. Et j'ai vu que la classe dirigeante, il y avait bien une internationale de la classe dirigeante, beaucoup plus qu'une internationale prolétarienne, parce que j'avais à peine franchi une frontière, j'étais arrêté, emmené au commissariat de la gare, avec une note du ministère des Affaires étrangères du pays en question, disant, nous vous demandons de ne tenir aucun propos public de nature à nuire aux bonnes relations que nous avons avec notre grand ami allié, la France. Ah oui, donc ça a été, voilà. c'était donc, assez loin. Début, moi, j'ai eu une grande chance que Pierre Lazareff me prenne à François, alors qu'on lui disait, mais c'est un dangereux révolutionnaire, il faisait sauter les pylônes de l'ORTF, etc. Et je dois dire, pour revenir sur la classe dirigeante, j'étais grand reporter politique à François, et bien pendant cette année-là, jamais les gens, tous que je connaissais, tous de plus belle loin dans les ministères, ne me prenaient et n'acceptaient un rendez-vous dans le ministère. On me voyait au café. C'est dire à quel point. Hein, Pierre Janin, est-ce qu'on peut dire que ça a influencé votre parcours de journaliste, ces événements de 68? Oui, en quelque sorte, parce que, si vous voulez, ça nous a appris à être attentif à quelque chose auquel j'étais pas véritablement attentif avant, c'est les moyens d'information et les moyens de désinformation. Avant mai 68, je me posais pas la question de savoir comment on désinformait. Bon, maintenant, j'ai quelques idées sur la question, et c'est vrai que ça a joué un rôle. Mais enfin, moi, c'est triste à dire, mais mai 68, ça m'a permis d'entrer dans une station de radio Europe numéro 1, qui était mon rêve, et donc j'ai réalisé mon rêve en entrant Europe numéro 1. Qui avait été écarté? Vous, Marcel Buval? Pratiquement, Drault, moi, Lorenzi, Badel, enfin, il y en avait une bonne... Tous les gars de l'intersyndicale d'abord, les trois, et puis bon, on a été virés, et puis repris un par un, compte-gouttes. Par exemple, un des premiers à retravailler, ça a été pratiquement celui qui avait eu des positions les plus extrêmes à gauche, qui était l'Ourset, parce qu'il fallait reprendre les 5 dernières minutes. Alors, et que c'était plus important que le fait qu'il soit à gauche. Alors, ça lui a posé des problèmes de conscience, forcément. Nous, on était dehors, lui, il rentrait. Et moi, j'ai été un des derniers à rentrer, et j'ai été convoqué donc par André François, et qui m'a dit, on vous reprend, on vous propose de faire les frères Karamazov. Et puis, je me suis remis à travailler, quoi. Mais alors, j'ai un souvenir, c'est que ça va vous donner le niveau de une coupe franche dans les mentalités de l'époque. Il me raccompagne un peu à la porte de son célèbre bureau du 7e étage de Cognac-Jay. Et il me dit, vous vous souvenez, Marcel Bluval, dans Don Juan, vous avez fait toute une théorie sur Don Juan, sur le père réel, le roi dans la société, etc. Vous trouvez pas que 68, ça a été une insurrection contre le père? Il faudrait peut-être commencer à faire attention à ce qu'on dit dans les fictions. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que la meilleure manière de désamorcer les volontés revendicatives, quelles qu'elles soient, c'était de ne pas seulement s'occuper du journal, mais de s'occuper aussi de la fiction et de ce qu'elle racontait. Il y avait déjà en germe le personnage fédérateur, vous voyez. Merci à Pierre Lefranc, Yves Guéna, Jean-Pierre Farkas, Patrick Penaud, Marcel Bluval, Pierre Noguera, Roland Dordain, Michel Polac, Raoul Sangla, Nicole Dalmar, Jacques Gara, Claude Ventura, François Closet, Emmanuel Delataille et Pierre Janin. Merci encore à Michel Bruno pour les archives de l'intersyndicale. Ainsi qu'au service des archives écrites de Radio France, auteur d'un grand dossier documentaire sur l'ORTF en 1968. Archivina, Olivier Tosserie, stagiaire, Camille Albrieux, mixage, Éric Boisset. Aujourd'hui, la grève à contre-temps. Renaud Dalmar, Emmanuel Laurentin, Amélie Meff.